découvrez le plus grand bazar citoyen de Québec. Plus de 400 tables attendues. Ventes, échanges entre voisins, barbecue, zone artisan et troubadour animeront le Vieux Limoilou les 8 et 9 juin entre 10h et 16h. Bienvenue dans la culture du quatre-fois-le-globe. Une présentation de Limoilou en vrac en collaboration avec la Ville de Québec, Patrimoine canadien et monlimoilou.com. Programmation sur monlimoilou.com/en-musique et limoilouenvrac.com. Bonsoir les amateurs de bonne musique, vous êtes à l'antenne de CKRL 89.1 à Québec et vous êtes en compagnie de Bruno Côté à la mise en onde, Bruno Bruce Côté et France Carrier à l'animation et moi-même Jean-François Lamarre à l'animation et au choix musical. Et ben après une bonne émission la semaine dernière, Bruno, félicitations pour ton choix. Moi, j'ai bien aimé qu'on revienne sur un groupe allemand du nom de Inquirer. Et bon, on aura l'occasion d'en reparler. Mais pour l'instant, cette semaine, on va parler surtout du festival de Terra Incognita 2019. On va vous donner nos impressions là-dessus. Il sera aussi grandement question du magazine Progressiste numéro 96 qui vient tout juste d'arriver et de différentes choses de ce genre-là. Toi, en ce qui te concerne, c'est quoi qui t'a ému le plus dans cette édition 2019 du festival Terra Incognita qui a été un succès monstre là, avec trois soirs complets, sold out, comme on dit en bon français? J'ai beaucoup apprécié les Norvégiens, Oak, Bjørnris, Airbag, Fido, Finistère qui ont clôturé le festival avec un nouveau réenregistrement de leur premier album. Dis-les donc, tu as trouvé le batteur André Orlando, là. Ben non. Ben, ça, ouais. C'est pas en public. Ouais, ouais. J'ai entendu les femmes là, qui parlaient d'André Orlando. Ah, oh, ben, il est-tu cute? Ben oui, il est cute aussi. Un beau jeune homme. Je sais pas quel âge qu'il peut avoir, mais... Ouais, il est d'une autre génération, disons. Ben oui. Et ben moi, ce qui me concerne, j'ai beaucoup aimé Oak. Disons que j'ai trouvé que ça commençait drôlement bien. J'ai aimé leur musique mélancolique. Puis il faut dire qu'on venait de souper avec eux autres aussi. On avait eu l'occasion de jaser pas mal. Puis ça a été pas mal le fun. Là. Même si le chanteur avait mal au dos, pauvre lui. Ben oui, mais... Pauvre enfant, il est tout petit. Pauvre enfant, mais j'ai donné des médicaments pour. Ben oui, on a vu le trafic trafic de Tylenol là, qui passait en dessous. Non, c'était pas c'est des relaxants musculaires du Voltaren. Ouais, ouais, ouais. Et Bjørnris, tout de suite après, qui a été assez fabuleux. Là. Et le lendemain, il recommençait ça avec Airbag. Et ben, notre petit chanteur, le très bon chanteur et claviériste de Oak, là, qui a participé aux trois concerts. Aux trois concerts. Et ben, faut dire que ces groupes-là sont assez connectés. Il y avait aussi le bassiste de Warbler là, qui était là, qui fait un travail très efficace. Ouais. Un type que j'ai trouvé assez charismatique. Là. Disons un peu dans sa bulle, là, mais qui dégageait beaucoup. Faut pas oublier nos Québécois. Les Nerfs Odyssée qui ont donné une très bonne prestation. Puis leur prochain album, ça promet. Oui, puis ils vont commencer l'enregistrement. Là. Ils nous parlaient de 3 semaines, un mois, donc c'est possiblement la semaine prochaine ou d'ici 10 jours. Et ben, il faut pas oublier non plus Basta, qui m'ont surpris parce que moi j'avais peur d'être déçu un petit peu comme Cellar Noise, là, que j'ai trouvé qu'il avait donné une prestation assez moyenne là, l'an dernier. Et il paraît Zio Degliorchi qui s'en était bien sorti musicalement, mais qui manquait un petit peu de présence sur scène. Là. Peut-être qu'on voulait revoir le phénomène Unreal City là, qui nous avait épaté il y a quelques années. Là. Mais bon, c'est sûr qu'il ne faut pas faire de comparaison. Mais disons, Basta, il était assez enjoué. Là. Puis, moi, je n'avais pas réalisé que leur musique pouvait... comment je dirais ça, choquer un petit peu les gens, là, parce que je jasais avec du monde, puis il me disait qu'il aimait pas ça du tout, ce genre-là. Faut dire que c'est vrai que c'est un peu spécial, même si sur 10, moi, ça m'avait pas surpris tant que ça. Là. Mais bon, pour revenir à Progressiste, parce qu'on va écouter un petit peu de musique. Oui. On va commencer avec This Winter Machine. Ça vient du magazine Progressiste numéro 96. Mais cette fois-ci, il n'y a pas de disque. Et malheureusement, il y a toujours deux disques qui viennent avec ce magazine-là. Là, il y a le New Species là, du Classic Rock Society. Mais ils cessent leurs activités, malheureusement. Tu connais pas la raison? Non, je ne l'ai pas lu. Ben c'est le dernier, puis il y a un petit encart là, avec le magazine pour dire que ça va être le dernier. Pour ce qui est du sampler qui vient habituellement avec le magazine, ben pour des raisons techniques, il n'est pas disponible pour l'instant, donc il va en avoir deux avec le prochain numéro. Et ben This Winter Machine, c'est un groupe anglais. C'est un quintet là, qui avec guitare, basse, clavier, batterie et voix, donc la formation standard. Ça a été influencé par les pionniers des années 70 et 80. Donc on a Marillion, IQ, Pendragon, Rush, Genesis, et ils ont fait paraître un album en 2017 qui s'appelle The Man Who Never Was. Et on en avait entendu un extrait lors des dernières émissions. Et ce sera, on va poursuivre avec Banco del Mutuo Socorso, qui nous a surpris avec un nouveau disque qui s'appelle Transsiberiana. Et ben, c'est sûr que ça ne peut pas être le même Banco, parce que Francesco Di Giacomo, avec sa voix très spéciale... Unique. Ben oui. Ben il n'est plus là, évidemment, il ne peut plus être là. Il ne peut plus être là, il est décédé. C'est sûr, il est rendu dans un autre monde. Oui. Et malgré tout, ils ont fait un album qui est très respectable. Ce bloc-là se terminera avec des Italiens de Carmamoy. On en reparlera un petit peu plus au retour du micro. Thank you. Thank you. di chi viene e chi va, è un correre sul posto, fermi ed agitati come tempi al vento. Il treno si è fermato ora, lo sale questo ghiaccio impaziente. Grande bianca, scendete, scendiamo il treno fermo, è perso e fermo senza idee. Come tende al vento, in questo eterno bianco c'è un bianco dolore eterno ed infinito. We'll be right back. fly over the sky. Thank you. Vous écoutez CKRL 89.1. Cet été, sortez au cinéma Le Clap. Avec la bonne clap, voyez 5 films pour seulement 44,95. Disponible dans nos deux succursales de Sainte-Foy et Loretteville. L'offre prend fin le 30 juin. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma! La Barberie vous convie à cette 22e édition de l'ouverture officielle de la terrasse. Nous vous attendons en grand nombre pour cet événement gratuit qui épatera toute la famille. DJ Robocop au platine, prestations musicales avec The Natural, air de jus pour les petits avec Joujoutech Basseville, la cuisine éphémère signée Pastissimo Traiteur, lancement de la sangrivière et d'autres brassins estivaux. Remis au lendemain en cas de pluie. Gratuit pour toute la famille. C'était le groupe italien Karma Moy avec un album qui s'appelle The Day Is Done et c'est sorti à la fin de l'année dernière, donc à la fin de 2018. Et le sujet de cet album-là, qui est un album concept, là, c'est l'incendie de la tour Grenfell à Londres en 2017. Ça a été chroniqué dans le Progressis 96 et on compare ça un petit peu dans la forme, là, Posthumous Silence de Sylvan. Ce qui n'est pas mauvais non plus comme comparaison. Juste avant, c'était Banco del Mutuo Soccorso avec Transiberania. On a entendu La Decisa dal Treno. On avait débuté avec This Winter Machine de leur dernier album qui s'appelle A Tower of Clock. On a entendu The Hunt. Toi, tu veux nous parler concert? Oui. Tu veux nous en nommer quelques-uns? Quelques-uns. Le pire est passé, comme on dit. Oui, si on peut dire. Ben, ce soir, je soulignais Proc Story qui est juste au Palais Montcalm pour la première fois. Ça n'a pas commencé hier? Proc Story, Palais Montcalm. OK, il n'y avait pas une hier? Non, il n'y avait pas hier. C'est beau. Puis aussi, dans le journal d'hier, il y avait une chronique de Yves Leclerc. Puis il disait que Francis Grégoire va toucher l'orgue Casavant. Bon. Fait que ça devait être tout un show. Bon, le 31 juillet d'Aristocrate au Dauteuil. Le 10 août, Arena à la salle Jean-Paul Tardy. Le 3 septembre, Tiss Hall au Bûcher. Ensuite, au Grand Théâtre, le 15 septembre, Steve Hackett. Le 27 septembre, Rick Wakeman au Palais Montcalm. Le 1er novembre, Kansas au Grand Théâtre. Et le 26 novembre, au Palais Montcalm, The Pineapple Thief avec Gavin Harrison. Eh bien, je vous avais dit que je parlerais du tout nouveau Progressiste numéro 96. Et dans la rubrique Classic Rock, on parle du groupe américain R.E.M. qui a intéressé, je pense, que plusieurs classes. Là, même les progueux aiment bien R.E.M., je pense. Oui. on parle des rééditions de Rush. On dit l'histoire réinventée. On parle de 2112 là, qui a été sorti avec des bonus. Celui-là, il y a même un DVD. Il y a Hémisphère et il y a aussi A Farewell to King aussi. C'est les trois qui sont chroniqués dedans. Il y a aussi toute l'histoire, ben, en fait, résumée en 4-5 pages, là, de Soft Machine, et, un groupe qui demeure fascinant, qu'on a vu l'année dernière. Là, j'ai vraiment été subjugué là, par ce show-là. C'est quelque chose de très intéressant. On revient aussi sur les Beatles, le White Album. 50 ans? Ouais, nos amis des Illusions auditives avaient fait un spécial là, quand c'est sorti. Et il y a beaucoup de choses intéressantes là-dessus. On parle aussi du retour de la convention progressiste là, qui avait lieu à Verviers. Au Spirit of 66, seulement qu'une journée. Puis eux autres appellent ça The Day After, là, c'était intéressant. Il y avait Gangfly, Overhead et Frank Carducci. Et ils ont fait un avant avec la gang de Gongfly. Et puis il y a Richard Schoblum qui dit que on en veut un petit peu, on y en veut d'avoir sabordé Beardfish. Ben, c'est un petit peu malheureux, là, mais il dit que il ne peut pas bien faire autrement. Mmh. Je pense qu'il donne pas toutes les raisons, là, mais il dit que il aurait fallu qu'il change de musicien, mais il dit ça n'a pas de sens. Là. Fait que c'est pour ça qu'il a changé de nom, mais en réalité, la musique n'a pas changé tant que ça. C'est lui qui composait tout de toute façon. Et ben il parle un petit peu de sa situation financière, puis on aurait cru s'enrouler sur l'or là, que ses affaires allaient assez bien, mais il dit faut toujours que je coupe les fins de mois. Bon, quand on fait de la bonne musique, c'est ça qui est un petit peu malheureux. Dans la partie, il y en a, je comptais ça à mon collègue et ami Vincent Delisle, qui est un amateur des Nino Ferrer. Il y en a, bien, eux autres, ils trouvent du prog dans toutes sortes de choses, puis ils en ont trouvé Nino Ferrer, ce qui me surprend pas. Vincent nous a fait connaître Nino Ferrer, puis c'est surprenant la musique qu'il a faite. Et il y a aussi la partie humour avec Jay Trotol. On en parlera un petit peu plus tard du reste. Et là, maintenant, on va écouter Alex Henry Foster du groupe Your Favorite Enemy qui a sorti en support physique là, Windows in the Sky. Il avait fait un malheur avec ce disque-là où il s'était lassé là, pour les albums numériques. Là, il avait dévancé des grosses pointures. On en avait parlé à ce moment-là lors d'une émission, je pense, au mois de décembre. On va entendre la pièce « Winter is coming in ». On poursuivra avec George Shaw et « Is ». Much of everything else, I guess in the end, it's not that much about the truth. but how good we became at turning late night illusions to bright morning view. It's never that easy, I suppose, to kneel down with a smile when we kept denying our souls of the magic shining through. Have I lost my senses? Have we lost our senses? I don't know. Have I lost my senses? Coming. Steve Fielder. CKRL 89.1. Très chers voisins de la Korigane, vous êtes cordialement invités à célébrer la vie de quartier. On vous prévient, on va prendre la place et faire du bruit jusqu'à la rue pour l'occasion. Le samedi 8 juin, à compter de 11h30, on vous ouvre les portes de la nouvelle terrasse La Korigane avec un événement sur mesure pour les résidents du quartier. On célèbre la beauté de la diversité. En musique, Chloé Lamontagne et Gabriel Donnet. Artiste graphe, Simon Beaulieu. Chers voisins, on se donne rendez-vous le 8 juin à la brasserie artisanale La Korigane, 380 rue Dorchester. Remis au lendemain en cas de pluie. Audiolite. Amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca. C'était la nouveauté de Is, leur nouvel album Don't Panic, qui nous ont présenté en primeur lors du festival. Bruno vous en a mis un extrait la semaine dernière, là, 42. Mais là, cette semaine, c'est Moment of Inertia. C'était précédé de George Shaw avec Nati Fjolen. C'est des Norvégiens, ça. Mm-hmm. Des Norvégiens, donc on n'essaiera pas de traduire tout ça, puis on va se passer du titre aussi. D'ailleurs, vous pouvez trouver ça sur le site de Terra Incognita. Et vous pouvez aussi avoir les podcasts qui sont mis là grâce au bon soin de Marc. Vous pouvez aller aussi sur le site de CKRL où ce que les podcasts sont downloadables, comme on dit. Et on avait débuté avec Alex Henry Foster et sa musique assez vaporeuse, Windows in the Sky, un disque qui s'écoute très bien. Et M. Foster disait dans une espèce de communiqué, là, Windows in the Sky, il dit que ça a été écrit entre Tanger et Montréal. Et pour lui, c'est une musique atmosphérique, oui, il dit, qui explore la nature est de l'absence de foi et d'affliction, de la solitude. Il dit, ce premier projet solo est un paysage de contemplation et de réflexion, où l'absence de but, la vulnérabilité, le désarroi poussent à faire un examen profond et honnête. Et effectivement, c'est une musique qui pousse à ça. Il y a des moments assez enlevants, mais donc dans l'ensemble, c'est une pièce qui est assez significative, assez représentative de cet album-là. M. Foster sera le 5 juillet au Club Soda pour le Festival de jazz de Montréal. Et toi, tu veux parler concert encore? Non, j'ai fini, moi. Plus? J'en ai plus. Non. Ben, dans ce cas-là, on va parler de Aero Station, qui a sorti un album qui est en pré-vente. En fait, il n'était même pas enregistré lors de sa prestation au festival l'an dernier. Donc, ça s'appelle tout simplement Aero Station. Et c'est dans le style de ce qu'on a entendu l'an dernier. D'ailleurs, je pense que tu ne pourras pas en parler beaucoup. Non, c'est sûr. Tu ne l'as pas usé beaucoup. Je m'abstiens. Tu ne l'as pas usé beaucoup. Il y a RPWL avec un Tale from Outer Space. On va en entendre un extrait. Il y a aussi Wilson, Damian Wilson et Wakeman qui ont sorti un deuxième album, Stripped. En fait, c'est Wakeman Fist. On va entendre aussi un extrait de Mystery, de Lies and Butterfly. Et ça, on trouve ça, les deux derniers que je viens de parler, sur la compilation New Species, volume 36, le dernier qu'on va avoir. Donc, on y va en musique avec Aero Station. We'll be right back. answers we'll never know. Light of the world, can you bring me through till shadows are getting short? Fly, see you, touch you, meet you to soar the sky. Light of the world, let the flowers bloom and make us thrive. Light of the world, your energy is what we hope to find. Feel you, reach you, hold you and start to play. See you, touch you, need you to point the way. Listen to that song. I have no control of. can say or do. Who can belong? Who can belong inside an army town when we're all fighting to get out of here? When I return, when I return, and it's all over, I hope you'll carry me upon your shoulder and walk up the hill, walk up the hill beneath the cannon and lay leading. There must be something we can say or do. Who can belong? Who can belong inside an army town when we're all fighting to get out of here? When I return, I'll be a soldier. Yeah. reasons to feel the love that shines within your eyes. Something to believe in. Nowadays, all we see is all. KRL 89.1. Du 23 mai au 8 juin, le Carrefour international de théâtre vous invite à découvrir gratuitement une toute nouvelle mouture du spectacle déambulatoire « Où tu vas quand tu dors en marchant ». 5 tableaux grandioses sur les abords de la rivière Saint-Charles, entre la Pointe-aux-Lièvres et le Parc Victoria. Tous les détails au carrefourtheatre.qc.ca. Du 27 au 30 juin, Québecor présente, en collaboration avec Hydro-Québec et la bière Belle Gueule, la 36e édition du Festival de la chanson de Tadoussac. Prenez le large le temps d'une longue fin de semaine pour lancer la saison estivale en beauté. Mettre du sable entre vos orteils et de la bonne musique dans vos oreilles. Au programme, Loco Locas, Jérôme 50, Bertrand Belin, Hubert Lenoir, Lou-Adriane Cassidy, Raton Lover, Mes Aïeux et plusieurs autres. Informations et billetterie sur chansontadoussac.com. Une invitation de Desjardins. Donc, c'était Mystery, extrait de Lies and Butterfly. C'était la pièce Something to Believe In. On retrouve ça aussi sur New Species, volume 36, avec le magazine progressiste. Et juste avant, même chose, c'était Wilson and Wakeman, donc Damien Wilson et Adam Wakeman. Un nouvel album qui s'appelle Stripped. On a entendu Soldier. C'est aussi extrait de New Species, juste avant RPWL, Tale from Outer Space. On a entendu la pièce Light of the World. On avait débuté avec Aero Station du musicien Alex Carpani, groupe italien. Et ben, on va poursuivre avec un autre extrait de New Species. C'est le groupe Salva. Donc Salva, c'est un groupe de Suède. On dit que les influences, c'est Deep Purple, Riverside, Marillion, Pink Floyd. Ça a été pistonné par Rob Reed, le monsieur de Magenta. Et c'est leur cinquième album. Puis ils alternent entre les moments lourds, le pop, les pics. Puis moi personnellement, ça m'a fait penser un peu à Moon Safari, avec un beau solo de guitare. Donc, on vous laisse vous faire une idée, parce que c'est, on dit dans le magazine Progressiste que c'est un petit peu controversé. Il y en a qui aiment, puis il y en a qui détestent. Donc, l'album s'appelle Off the Deep End. On va entendre Skyclad. Ensuite, ce sera Daniel Tompkins. Et lui, c'est un Américain. C'est le vocaliste du groupe Tesseract. Et c'est son premier album solo. Il y a 13 pièces, dont 6 qui sont des versions alternatives de d'autres pièces. Et c'est sur K-Scope, puis c'est sorti hier. Donc on y va en musique. Et on va terminer aussi avec The Samurai of Prog, l'album qui s'appelle Toki no Case. On va entendre Fingering, qu'on a pu entendre en primeur grâce à un de tes amis. Ben oui. C'est bien gentil de sa part. Oui. Donc, on débute avec Salva. Something died, the sins reside, left confined to the place I hide. Time stood still. Through a quill I'm C'était une pièce un petit peu vaporeuse là, de Samurai of Prague, Toki no Case, qui vient juste de sortir. C'est la pièce Bicycle Ride. Et c'est un disque qui est plus symphonique, là. Je dirais qu'il y a plus des pièces là, dans ce genre-là. Mais il est très bien accueilli, puis on voit que les cotes sont très bonnes un peu partout. Toi, ça te plaît? Oui. Bon. Oui. Et juste avant, c'était Daniel Tompkin de l'album Castle. On a entendu la pièce Kiss et on avait débuté avec Salva Off de Deep End, la pièce Skyclad. Et ben moi, ça m'a fait penser à Moon Safari. Là. Mais c'est ça, il y a toutes sortes d'opinions là-dessus, puis je pense qu'il ratisse quand même assez large. Je voulais parler aussi de... J'ai eu l'occasion d'entendre nos collègues belges de Proxy. Proxité, oui, qui s'appelle. Puis, c'est drôle parce qu'il parlait du Québec. C'est d'ailleurs pour ça que ma correspondante m'avait envoyé le lien là, pour écouter cette émission-là. Mais eux autres, ils préparent une émission parce que c'est une émission de prog, mais là, cette fois-ci, c'est à donner comme limite. Ben, pas de prog, puis pas de rock. Mais en fait, compte, ils ont dérogé quand même un petit peu à cette règle-là. Mais c'est le fun de les entendre parler comme ça du Québec. Puis là, il va y avoir une émission spéciale là, sur le prog québécois. Donc, on vous tiendra au courant là, de ce qu'il y aura. Et aussi pour le lien, là, on pourra vous donner le lien pour ça. Ça va être bien intéressant. Et bien, lors de la prochaine émission, on pourra parler un petit peu plus là, de ce numéro 96 là, de Progressiste, parce qu'il y a beaucoup de belles choses là-dedans. Entre autres, il y a une interview avec Gösta Berling Saga, Duke of Orient avec John Payne, un ancien membre de Asia, qu'on a déjà fait jouer. On parle aussi de Cribble Black Phoenix. Et il y a aussi un nouveau coffret de Peter Emile. Oui. Qui contient 8 disques. Oui, puis il y en a un avec Isidore Bain aussi. Oui, c'est vrai. Peter Emile a fait un disque avec Isidore Bain. Et je serais bien curieux d'entendre ça, mais pour l'instant, ce que j'ai vu, là, c'est plutôt cher. Oui. C'est même très, très cher. Donc, on surveille ça, puis quand on pourra trouver ça à un prix là, qui aura un petit peu plus d'allure, bien, on essaiera de se procurer ça. On parlera aussi dans la prochaine émission là, de tous les disques qui sont chroniqués là, dans ce nouveau magazine. Et bien, ce soir, on a entendu plusieurs extraits de Classic Rock Society, et c'est pour la dernière fois. Donc, on vous laisse avec Serge Chéri, seul ensemble, parce que oui, le spectacle s'en vient très bientôt. Oui, le 20 juin. On va entendre la pièce Dixie pour nous mettre un petit peu dans l'atmosphère. Et bon, on vous laisse là-dessus, on vous dit à la semaine prochaine. Et pour l'instant, ben, restez à l'écoute parce que Vincent Delisle est là pour l'autoroute. Donc, bonne semaine à tous. Dis-moi c'est quoi ta toune qui me revient dans les oreilles tout le temps. C'est moi, j'ai plus ben mes temps comme avant. Plus le temps comme avant pour remplir mes oreilles. Dis-moi c'est quoi ta toune qui me revient comme le soleil tout le temps. Quand il vient, c'est jamais pour longtemps. Pour longtemps, pour chauffer mes oreilles. Hey, tous les faisons du pareil. Oh, tes doigts dans tes oreilles. Tous les faisons du pareil.